La question, je n'ai rien compris, pourriez-vous recommencer, non? C'est pour ça qu'ils sont enregistrés, parce que tu t'en rappelles pas. Avant de passer à la période des questions, la semaine dernière, il y en a quelques-uns qui m'ont demandé si... Ben, qui se sentaient un peu étrangers, qui étaient pas, qui pensaient que tout le monde qui était là depuis 25 ans, là. C'est pas le cas. En tout cas, pas moi! Fait que, il n'y a pas de c'est pas une secte, c'est pas un groupe là, particulier. C'est que ceux qui sont là pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, il faut vous dire qu'il y en a peut-être beaucoup dans la salle qui sont comme vous. Parce que comme vous avez vu au début, ceux qui se conscientisent, ils perdent leur argent, ceux qui ne restent pas longtemps. Ça dépend, si vous êtes bien riche, vous allez pouvoir taffer 6 mois. Alors, on y va avec la variété de questions. Comment peut-on rejoindre l'abondance, c'est-à-dire avoir du temps et de l'argent lorsqu'on a un emploi à horaire fixe, comme 8h30 à 3h30 ou 9 à 5? Il devient plus difficile d'avoir du temps à moins de changer d'emploi. Ben, c'est ça. Comme quoi l'humain a réponse à toutes les questions qu'il peut se poser, hein? Mais comme quoi l'ego a de l'insécurité qui fait que les réponses, finalement, ne servent pas à grand-chose souvent. Ah, tu démissionnes pas demain matin, mais c'est peut-être le temps de commencer à voir si ta vie peut servir à autre chose que de travailler. Tu sais, quand les populations commençaient à se dire « crée mon travail », puis on fait vivre un patron, le prolétariat. C'est pas ça, tu travailles, puis merde, tu perds ta vie. C'est ça qu'il aurait fallu qu'on se dise. Alors, c'est pas le patron, c'est pas la société, puis c'est pas ci, puis c'est pas ça. L'idée de commencer à réenvisager un peu certaines choses pour pouvoir aller chercher un peu de temps. Puis à un moment donné, veut pas, parce que l'abondance, c'est du temps et de l'argent. T'as un emploi, tu le diminues de 5 jours à 4 jours, c'était déjà plus riche. Oh, mais ça, là... Le patron veut pas... Bien, à un moment donné, c'est possiblement le temps de commencer à scruter ailleurs. Comment qu'on fait? On fait des vérifications aussi. Alors, on va à un moment donné, bon, on va aller voir une autre compagnie. On commence par aller voir le patron demander s'il serait d'accord de nous augmenter puis de nous donner une journée de moins à travailler. Mais, on sait jamais. Mais l'idée, c'est qu'on commence par aller fouiller un petit peu, on va voir ailleurs, et puis à un moment donné, si on a changé d'emploi, il y a des choses, on se fait tout seul. Mais 8h30, 3h30, pour moi, c'est une semi-retraite, là, c'est pas... pour moi, c'est travailler en maudit. Comment fait-on la transition entre un emploi et un autre si on ne travaille pas les soirs ou les fins de semaine pour savoir si c'est notre trou? Alors, on travaille plus qu'avant. Non, quand tu changes d'emploi, là, tu ne sais pas deux en même temps. C'est qu'on vérifie si, bon, on se fait déjà une idée de ce qui intelligemment devrait nous convenir comme emploi, pas juste émotivement. Quand intelligemment, on a ciblé des choses, là, on vérifie si émotivement, l'ego va se plaire aussi, autant qu'il travaille avec nous autres plutôt que contre nous autres. Bon, après ça, on peut faire une demande d'emploi, et là, on applique ce qu'on a vu la semaine dernière. On est légèrement un cran en arrière, fait qu'on regarde le patron, puis on lui dit, bon, OK, ta-ta-ta-ta-ta, mais par contre, moi, j'aimerais commencer une heure après tout le monde, parce que je déteste être pris dans le trafic quand je m'en viens. Bon. Tu sais, c'est un cran en arrière. Si tu as changé, là, le bonhomme va dire oui, ou la bonne femme, le patron va dire OK. Mais si tu n'as pas changé, il va dire, ben, pas, si tu n'as pas à venir là, il va dire non. Mais c'est ça qui est le problème. Il faut appliquer à 100%. Si la personne décide qu'elle veut changer d'emploi, crime, je ne suis pas bourré de dire ça d'un coup que. Et non, tu risques de te ramasser encore dans l'antre du dragon, être à mauvaise place au mauvais moment. Alors, la personne fait la même chose. Vous devez aussi nuancer un peu les choses que je dis. Les personnes, par exemple, qui n'ont pas compris toute la structure qu'on a, sur laquelle on a élaboré la semaine dernière, à un moment donné, on peut écouter la conférence qui est sur cassette. On prend un crayon et on sort des éléments. C'est bien facile. Là, il y a des éléments là-dedans. Ce qu'on va ressortir, c'est ce qu'on comprend. C'est déjà très applicable. Puis après ça, la vie va nous enseigner d'autres choses aussi. Alors, la personne, elle vérifie pour changer d'emploi. Puis à un moment donné, il y a un trou qui va se dessiner, qui va s'adapter à ce qu'elle a besoin. Peut-être qu'elle n'est pas augmentée. Bien là, une journée de moins est augmentée. Peut-être qu'elle perd un petit peu sa finance, peut-être qu'elle peut se le permettre. Ça va s'ajuster en fonction de chaque individu, mais on vérifie avec un petit cran en arrière, on ne s'attache pas au résultat, on est transparent. Ça veut dire quoi, transparent? patron, il demande pourquoi vous changez d'emploi. Dites-lui, pourquoi vous changez d'emploi? Je peux vous dire, soyez transparent, sinon vous allez encore vous ramasser dans une babelle qui vous va pas. La personne qui doit vous engager, si vous êtes transparente, elle va vous engager. Tandis que si vous n'êtes pas transparent, l'autre personne qui va vous engager pense que vous êtes transparent, mais elle n'engage pas la bonne personne. On n'est pas à la bonne place. Alors, bien, simplement parce qu'à l'autre emploi, le patron ne comprenait rien quand je lui expliquais que je voulais avoir un peu plus de temps. Soyez poli, mais quand même, transparent. Et ça va passer si ça l'a passé. J'ai perdu un montant important à la bourse parce que j'ai suivi les conseils d'un ami. Je n'étais pas conscientisé. Puis-je parvenir à la gagner ce montant si je m'en détache? Mais si ça en détache, la question est répondue. Ça l'intéresse peu, réponse. Bon, vas-y. Je suis sur la corde raide depuis un petit bout de temps et j'ai... et j'ai de la difficulté à trouver un emploi intéressant à cause de mon jeune âge. Les patrons qui m'interviewent me regardent comme si j'étais un bébé. C'est pas à cause du jeune âge. C'est à cause de quoi? C'est à cause qu'ils s'en trouvent pas. Les patrons qui m'interviewent me regardent comme si j'étais un bébé. Comment les convaincre que je n'ai pas besoin d'expérience pour être efficace? Forcez-les à vous engager. Ils vont être convaincus. Comment tu fais ça? Mais tu vas te vendre! Christy, si tu veux un emploi quelque part, évidemment, encore une fois, tu fais des petits tests pour vérifier les choses, mais à cause de mon jeune âge, si vous saviez la quantité de menteries que j'ai compté, moi, pour avoir tous les emplois que je voulais, mais j'étais à la hauteur de mes menteries une fois qu'ils m'engageaient. Donc, ça aurait quand même été des menteries. Hein? Bon. Sauf que si t'arrives là-bas, pis t'as des caissiers, pis ça, tabarouette, c'est évident. En plus, si tu laisses les adultes te convaincre que t'es un bébé, l'onde de forme ajuste-la en fonction de l'emploi qu'on va aller chercher. Ton regard, entraîne-toi un petit peu, à un moment donné, là, c'est essayer d'exprimer un égo de personne qui a jamais travaillé. Il y a plusieurs choses qui peuvent se faire, mais une chose qui est évidente, c'est que la personne a l'un qui, à un moment donné, à se brancher. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Quel âge ça doit avoir? Qu'est-ce qu'à quel âge on devient un être humain? Bonne question. Il y a eu un grand débat là-dessus l'année passée pour l'avortement. Oui, c'est ça. Quand ça recommence à sembler un enfant, là, puis ça te touche émotivement, là, c'est un être humain. C'est pour ça que je te parle. En tant qu'adulte, là, en tant qu'être humain, en tant que vivant, là, à quel âge vous allez commencer à considérer? Vous allez attendre d'avoir quoi? Des rides, des cheveux blancs, pas de cheveux en tête, une moustache, en tout cas. Bon. Pour pouvoir vous dire, bon, maintenant la vie s'ouvre à moi, dépêchons-nous, il me reste 5 ans. Voyons, là. La personne, elle a simplement décidé qu'elle se trouve un emploi, puis de se tenir debout un peu, puis de protester. Si elle veut avoir de la motivation, là, elle a qu'à louer le film Le secret de mon succès. On va voir ce qu'un jeune fendant peut faire à sa planète. Mais c'est ça. Mais ça, c'est pas travailler, puis ça va pas aller en compte de ce que tu disais tantôt. Non, elle doit faire des vérifications des places. Mais si moi je dis je vais avoir une femme, tu sais, vas-y pas. Bon, c'était un gars. Si je vais engager un homme, vas-y pas, c'était une femme. Bon. Maintenant, tu veux t'engager pour être comptable dans une banque. C'est un exemple, tu sors de ton cours, tu arrives là en jean troué pour demander le poste. Ah, s'il m'engage, je m'habille propre. T'as pas compris le principe? Tu fais une impression sur l'astral de l'autre, sur l'ego de l'autre, sur sa psychologie. Ton impression, c'est elle qui, lui, engage l'impression. Il ne connaît rien de l'humain. Engage l'impression. Ben, amène l'impression qu'il a besoin. Puis, nécessairement, il va l'acheter. Il faut s'ajuster. Ben, il faut ajuster l'autre. Expliquer les désordres créés par l'endettement afin d'en comprendre les mécanismes qui génèrent l'abondance. Qu'est-ce que c'est que l'endettement? C'est l'enrichissement des autres. Qu'est-ce qu'on a à apprendre dans l'endettement? Est-ce qu'on s'endette pour apprendre? On n'a rien à apprendre dans l'endettement, mais c'est parce qu'on ne comprend pas qu'on s'endette. Une grosse nuance. Tu n'as rien à apprendre avec la vie, mais c'est parce que tu ne comprends pas que tu souffres dans la vie. Si tu comprenais avant de t'endetter, tu n'aurais pas besoin de t'endetter. C'est ça? C'est pas mal logique. Ça a de l'allure. Regardez ceci, ce qui est très important à comprendre. Traditionnellement, le résultat de votre vie est plus important que vous. De ce fait, beaucoup d'êtres humains depuis quelques millions d'années ont vécu des vies atroces, mais ont laissé de grands résultats. L'évolution, elle est collective. L'évolution, elle est animale. L'évolution, elle est de troupeau. Et l'évolution se fout de l'être humain en tant qu'individu parce que l'être humain n'a pas de conscience individuelle. De ce fait, l'être humain, prenons l'exemple d'un paquet de génies qu'on a reconnus génies après leur mort, leur servait à quoi d'avoir de l'intelligence? Absolument rien. L'être humain était valorisé par ce qu'il laissait et ce qu'il faisait. De ce fait, traditionnellement, beaucoup de personnes veulent laisser leurs traces sur la Terre pour qu'on parle d'eux dans les livres d'histoire. Que ce soit celui qui va assassiner un président, ou etc., ou ceux qui veulent faire une invention, on fait bref des choses en genre. Sauf que celui ou celle qui se conscientise est assujetti à la loi de l'évolution individuelle. Individuellement, vous devrez vous démerder. Et ça semble plus compliqué. Mais c'est drôlement plus facile, on n'est plus poigné à attendre après tout le monde. Mais, à partir de ce moment donné-là, il y a une mécanique nouvelle qui commence à être opérationnelle. Ce que vous aurez comme résultat n'a plus d'importance. C'est vous, maintenant, qui en avez. Donc, si le résultat que vous arriveriez à accomplir serait assez puissant pour vous démolir en tant qu'être conscientisant, vous n'aurez pas le résultat. Alors, l'humain commence. Pourquoi l'humain se rapproche encore de Red? C'est uniquement à cause de cela. C'est qu'il n'a pas tout compris les mécaniques qui gèrent l'intelligence dans l'intelligent. Bon, l'intelligence dans l'intelligent. L'intelligence dans un être humain. Puis un animal humain. Pas un humain, un être humain. Celui qui vit l'écologie, celui qui comprend la science des conséquences. Lorsque la personne ici devient endettée, à un moment donné, qu'est-ce que j'ai à apprendre dans l'endettement? Vous n'avez rien à apprendre dans l'endettement. L'endettement, c'est un thermomètre. Un thermomètre qui vous fait dire, vous n'êtes pas dedans. Juste ça. Mais traditionnellement, par le mérite, par l'idée encore de péché, on apprend par la souffrance. Mais il y a une autre chose qu'on peut dire. On souffre parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'a pas appris. La souffrance ne t'enseigne rien. La souffrance, elle t'oblige à te dire « réveille, réveille, réveille, réveille, dors pas ». Mais la richesse puis l'antisouffrance t'endort. Mais ce n'est pas grave. Tant que l'humain évolue d'une façon collective, les guerres le réveillent, les famines le réveillent, les épidémies le réveillent, etc. Quand l'humain commence à se conscientiser, même s'il ne comprend pas tout, si l'humain est capable de reconnaître une énergie, une vibration, quelque chose de neuf, il va persévérer. Mais automatiquement, lui, alors vous, en tant qu'individu, devenez plus important que ce que vous allez accomplir. Pour l'ego, c'est extrêmement frustrant parce que l'ego est bâti archétypalement sur l'idée, c'est-à-dire que de génération en génération, on est bâti sur l'idée que l'on doit accomplir quelque chose. Alors, à un moment donné, dans ceux qui se conscientisent, il y aura beaucoup de divorces. Le mariage n'est pas aussi important que l'homme et la femme. Mais dans le passé, l'homme et la femme étaient moins importants que le mariage. Alors, vous vous mariez pour la vie, même si vous n'avez plus rien à faire là-dedans. Dans les emplois, dans les sociétés, dans une religion, lâche pas la religion. La religion est plus importante que toi. Mais dans la conscience de ceux qui, à un moment donné, augmentent leur potentiel de vibration, de vision, les résultats commencent à être pénibles parce que vous êtes plus important. Autrement dit, je te donne 5 piastres, tu ne comprends pas, tu ne l'as pas. Oui, mais là, présentement, j'en aurais besoin. Oui, mais si je te le donne, je vais étirer dans le temps où tu vas comprendre. Comprends-tu? Oui. Bon, c'est bien. Est-ce que, si je comprends bien, c'est qu'avant, il y avait, dans le temps de l'ère des poissons, Il fallait vivre une guerre collectivement pour qu'on invente, pour qu'on crée des nouvelles machines, des nouvelles technologies, puis qu'on arrête de penser au suicide. Puis on reconnaît l'humain, non pas ce qu'il est, mais ce qu'il est. Puis aujourd'hui, il faut que, personnellement, on vive des temps de guerre. Mm-hmm. Alors que si on comprenait avant, on n'aurait pas besoin d'en vivre. Puis là, on va reconnaître l'humain à ce qu'il est, pas à ce qu'il est. Exactement comme moi, je vous rencontre, là, puis vous me plaisez. Là, vous me dites, oui, mais moi, je suis pas riche. Je n'ai rien à foutre. Mais moi, je suis malade. Je n'ai rien à foutre. Oui, mais moi, c'est... Je n'ai rien à faire. Et c'est ce qui me permet aussi de reconnaître, même à sa juste valeur, un jeune, ou une jeune, ce que beaucoup d'adultes pourront pas reconnaître. C'est un enfant. Il n'y a rien à faire non plus. Alors nécessairement, si on commence à se conscientiser, on se dirige vers une liberté. Mais la liberté, elle apparaît uniquement quand on cesse de se tenir après des choses. Tu peux pas être libre dans la pièce tant que tu longes les murs de peur de tomber. Elle est pas loin la liberté, mais elle est compliquée. La personne, bon, elle est endettée. Si elle applique déjà la mécanique qu'on a expliquée la semaine dernière, puis qu'on a expliquée aussi ce soir, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais si la personne se dit, oui, mais comment ça va changer? On n'a rien à faire de comment ça va changer. Ça va changer. Oui, mais comment? Vous voulez absolument avoir une explication mémorielle pour commencer à expliquer une chose qui ne fait pas partie de la mémoire, qui échappe à la tradition? On ne peut pas. Parce que vos égos qui recherchent de la mémoire, ça, avant de comprendre, ils devront vivre l'expérience. Donc, s'il faut leur faire comprendre sans qu'ils vivent l'expérience, on va passer 20 ans, 30 ans, 40 ans. Puis après ça, tout ce qu'on pourra dire, regarde un tel, regarde une telle, ils l'ont fait, ça marche. Et là, par évolution collective, l'ego finit par admettre que ça se peut, même s'il ne comprend pas tout. Quand vous plantez un grain d'été dans votre jardin, là, comprenez-vous comment ça pousse? Non. Bien, c'est normal, il y a de l'eau. Oui, oui. Mais pourquoi l'eau a fini par prendre la petite graine pour faire une plante? Comment ça se structure? La science explique les choses. Elle explique le visuel de la chose, mais elle n'explique jamais la mécanique de la chose. Un spermatozoïde, quand se rencontre un ovule, on sait que ça peut créer un enfant. Pourquoi? Bien, à cause qu'il y a de l'ADN, etc. Pourquoi? Bien, c'est à cause que c'est comme ça, Torieux! Mais c'est ça. À un moment donné, il faut qu'on cesse de tout vouloir comprendre, il faut qu'on commence à appliquer des choses. Si tout ce que vous appliquez ne fonctionne pas, appliquez autre chose. C'est le baromètre. Daniel, ça parle toujours dans ma tête et je perds mon énergie. Explique. Au moins, hein? Il y a une chose. Personne n'a une tête. C'est une bonne chose. Ça parle toujours dans ma tête, c'est normal. En réalité, ça passe dans votre tête. Parce que l'humain pense qu'il pense, bien, nécessairement, il y a des problèmes avec. Là, la personne ici est au moins capable de conscientiser qu'il y a deux phénomènes chez elle. Elle et la pensée. L'ego, l'astral, la mémoire. Ça passe toujours dans sa tête et elle perd son énergie. Alors, la solution la plus facile, mais évidemment, comme ça, là, c'est trop quétaine de donner des réponses, mais faites une démarche flottante mentale. C'est bien facile, c'est bien facile. Alors, je l'explique de temps en temps, puis c'est assez, c'est très, très, très, très opérationnel, mais c'est fonctionnel. La pensée, si on ne peut pas contrôler ce qui parle dans notre tête, on peut contrôler une partie de la tête, là où la pensée vient s'exprimer. Ça veut dire quoi? Que la démarche flottante mentale va être de ralentir toutes les connexions neuroniques, et que ça paraît compliqué, mais là, j'explique. Vous allez voir, c'est bien facile à faire. C'est comme bouger un muscle, hein, bouger le bras, ben vous contractez, on bouge des circuits neuroniques, on envoie une impulsion, on bouge un muscle, ben, c'est toujours compliqué, t'as qu'à bouger le bras. Mais on doit ralentir tout l'endroit où vient s'exprimer la conscience astrale. Bon, puis je passe sur les détails. Cela veut dire que quand ça pense dans notre tête, ben, ralentissez le flux de pensée à un point tel que vous allez finir par le contrôler. Et à un moment donné, vous allez l'écœurer assez que ça va le passer dans la tête d'un autre. Ça veut dire quoi? Alors, présentement, je me couche. Ben non, je suis assis, et voici. Puis ça commence à penser. Ça dit, ah ben tiens, les murs sont bleus ici, les plafonds sont comme ça. Ça devrait pas être de même. Puis il me semble que c'est l'exemple que je donne. Alors, on dit, bon, il me semble que ralentissez tout le processus, vous allez voir, ça va aller passer ailleurs, ce sera pas là. Mais nécessairement, ça va revenir une heure après, parce qu'on n'est pas pour vous longer de même, que si vous êtes un bon prototype pour penser. Et lentement, progressivement, vous allez finir par ralentir suffisamment le flux de la pensée que ça ne pourra plus penser chez vous. Mais faites attention à la subtilité, les cerveaux de ceux qui se conscientisent sont assez puissants, même si on n'est pas habitué de s'en rendre compte. Tu ralentis la pensée, puis subitement, il y a une pensée qui arrive, puis qui dit « Hey, tu as vu, ça marche. » Ça commence à passer par en arrière, là. Mais là, oh, le cave, un instant, le cave, hein, c'est le corps, l'astral, le vital et l'écho, bon. Et là, on commence à le ralentir encore, puis à un moment donné, ben, progressivement, vous allez voir qu'il y a des petites subtilités, mais ça va vous permettre en même temps de découvrir les facettes de votre cerveau. Et puis, vous allez voir que ça va être capable de le chasser. Il y a d'autres phénomènes, la colère mentale, évidemment, c'est quelque chose d'opérationnel, mais là, ça prend plus de temps pour l'expliquer. Je ne peux pas faire ça une conférence comme ça, on fait surtout ça en séminaire, ça prend plus de temps. Pourquoi on pense? Mais on pense pas. Il vaut mieux penser que de penser, mais pourquoi on pense? Évidemment. Ça sert à quoi, la pensée? La pensée, ça sert à entretenir dans la conscience de l'homme l'idée qu'il a libre arbitre. Alors, comme je dis de temps en temps en séminaire, c'est que tu as, ça pense, par exemple, de prendre les papiers puis de les lancer à terre. Alors, ça dit, Daniel, prends les papiers, lance-les à terre. Oui, non, faut pas lancer les papiers à terre. Et là, subitement, ça dit, je vais lancer les papiers à terre. Et comme je suis pas un fou, crime, je vais lancer les papiers à terre. Je vais lancer les papiers à terre. Mais c'est toujours pas moi qui a pensé, mais parce que ça le parlait avec le moi ou le je, ben, j'y crois. Ça sert à me manipuler. Ça sert à me donner l'illusion du libre-arbitre, ça sert à m'empêcher de me conscientiser, ça sert à m'empêcher d'éliminer la mémoire, parce que c'est de la mémoire qui passe dans ma tête. Ça sert à ça. Tu as un accident d'automobile, il y a rien que ça qui revient après. Mais c'est ça, ça vomit dans ta conscience la mémoire de l'accident. La pensée, elle sert à obscurcir la conscience de l'homme, tant que son corps physique n'est pas suffisamment puissant pour supporter de l'intelligence. Sinon, l'homme n'aurait pas été capable de supporter toute la condition relativement terrible qu'il a vécu sur le plan planétaire depuis même au niveau de la création, depuis plus de 4,6 milliards d'années. Alors, ça sert à ça, la pensée. Sauf qu'à un moment donné, la pensée, c'est l'échafaud qui nous a permis d'en arriver où ce qu'on est. Le maintenant, à nuit, là, il faut qu'on l'autre échafaud. Quelles sont, par ordre, les étapes pour qu'un humain se conscientise? Exemple, aujourd'hui, il est tout le contraire des lois que tu proposes. Que doit-il faire et combien de temps cela lui prendra-t-il? Ça, habituellement, c'est assez rapide. Ça dépasse rarement les 500 ou 600 années. C'est pas trop mal. Ben, après des milliards d'années, on n'est plus à 500 ou 600 après. 500 ou 600 ans après. Bon. Que doit-il faire? C'est beaucoup plus facile qu'on peut penser. La problématique, c'est que moins on est conscient de la mécanique de conscientisation, plus ça semble long. Et le sine qua non, plus vous serez pressé, plus ça prendra de temps. Plus vous serez patient, plus ça ira vite. Parce que plus vous êtes pressé, plus vous avez d'orgueil, plus vous avez d'ego, plus vous avez d'espoir. Puis justement, c'est ça qui nuit. Plus vous êtes patient, plus vous vous en foutez, plus vous détachez du résultat, tout en vous disant, bon, ça va aller comme ça va aller. Vous êtes déjà 20 crans en avant. Donc, la négoïsation, ce que l'Antiquité appelait l'humilité, mais c'est pas tout à fait ça, l'humilité, on peut finir par être modeste puis s'en vanter. La négoïsation, on peut pas faire ça. Bon. Alors, quelles sont les étapes? Bon, le mois prochain, on parle de tout ce qui nous empêche de nous libérer. Alors, on va couvrir toutes les étapes de A à Z dans la mécanique même qui nous interdit carrément d'avancer. On commence la semaine prochaine avec réussir là où nous échouons, mais on ne va parler que de cela. Brièvement, tout ce que vous avez à faire, commencez à sourire à la vie et essayez de vous en faire. Simple, hein? Je sais, trop simple. Mais qu'est-ce que c'est ça l'affaire? C'est trop simple, c'est difficile d'appliquer. Parce que l'humain est trop constitué de complications à cause de la mémoire. Il y a toujours l'idée de l'évolution méritoire, l'évolution lunaire, l'évolution obscurcie. Je l'ai déjà dit, si je te tire une balle en plein visage, puis que tu arrives à restructurer ton visage, tout le monde va te dire, ça c'est un maître. Si tu prends ton revolver, tu me tires en plein visage, ton revolver s'enraye, et que je suis chanceux. C'est moi le maître, pas toi. Toi, c'est méritoire, plus rien à faire. Tant que l'humain reste assujetti à l'évolution méritoire, nécessairement, il va se payer le luxe de souffrir, se payer le luxe de prendre des années, se payer le luxe de travailler pour réussir. Alors, il faut... Parce qu'il y a beaucoup de termes, mais c'est parce que ces termes-là sont spiritualisés facilement. Si je dis simplement, agissez comme un enfant là, qui n'a pas été éduqué, là. L'avoir. Oui, mais vous êtes un adulte avec de la conscience et en agissant comme un enfant, vous allez voir que ça n'aura pas la même valeur. Quand vous allez être proche. Sauf que l'adulte va vouloir agir comme un enfant éduqué à cause de sa mémoire. Alors, un enfant qui est éduqué est un enfant qui aussi résiste à l'éducation. On m'a allé casser des fenêtres. C'est pas ça. Même les adultes font ça. Comme des villes de grenades à la place, mais tu sais. Alors, agir comme un enfant, ce n'est pas ça. Être totalement désinhibé, c'est engendrer un processus de fusion avec un double éthérique qui a été reconstitué par notre anégoïsation. L'anégoïsation, ça veut dire, bon, égo, on sait un peu ce que c'est. Si vous voulez savoir un peu moins, regardez dans le dictionnaire. L'égo, c'est l'identification suprême des mémoires chez l'individu, ce que lui appelle le « je » et le « moi ». Bon, c'est l'ego. Pour dire ça, c'est quoi un ego? Bon. J'espère que tu t'es pas trompé dans ta définition. J'ai pas pris ça dans le dictionnaire. Ego. Densification des énergies astrales constituant l'âme dans laquelle va germer l'identification. Ça, c'est dans ton dernier livre, « De la naissance à la mort ». Bon, il faut lire le livre pour comprendre la définition, mais en tout cas, c'est une chose. N, dans la langue française, veut dire sans, éliminé, il n'y en a pas. An, égoïque, veut dire avoir une conscience où il n'y a pas d'ego. S'anégoïser veut dire travailler un processus qui va éliminer l'ego. Quand vous vous levez un matin et qu'il pleut et ça vous fait chialer, c'est votre ego qui prend le contrôle de votre corps. Si je rentre dans votre maison et je dis, Christy, c'est bien sale chez vous. Mais au niveau de la conscience, on n'a rien à faire. Mais votre ego, il est ramassé raide là. Parce que lui a appris, c'est sa mémoire, que la maison doit être bien entretenue, que au minimum, je devrais être poli et faire comme s'il n'y avait rien là, parce qu'il y a plusieurs processus. D'ailleurs, l'ego va toujours dire quand on invite quelqu'un, « Regarde pas le désordre! »« Ah, merci, j'avais justement pas remarqué. » Bon. Anégoïsation veut dire travailler le processus de la fonte de l'ego. Anégoïque ou anégoïsé veut dire sans ego. L'individu qui veut se libérer doit se libérer de ses contraintes. Vous n'êtes plus capable de parler ouvertement. On n'est pas capable de laisser faire des choses. Un exemple. Je vous dis à n'importe qui ici, venez donc reprendre la place de Charles et venez me poser des questions. Vous êtes tous capables. Mais vous n'êtes plus capables. C'est l'ego. La personne qui s'anégoïse va venir sans sécrétion. La sécrétion, c'est le secret de l'évolution. L'astral, l'âme... L'ego qui est dans l'âme, bon, à un moment donné, on comprend mal. Bon, ben, on peut soit lire des livres, écouter des cassettes, venir à quelques conférences, faire un séminaire. C'est évident que quand on parle de conscientisation, on a un langage spécialisé. Si on parlerait de médecine, ben, à un moment donné, on va mettre des termes compliqués, qui sont compliqués uniquement parce qu'ils sauvent du temps quand on les comprend pour communiquer. Alors, à un moment donné, la personne, elle va venir en avant. Elle pose des questions, son cœur accélère, sécrétion de catécholamine, il y aura rougeur, transpiration, il y aura un paquet de choses. Elle vit de l'initiation lunaire. Elle mérite, elle va sortir de là. Eh bien, quand même, tu sais, je m'en suis pas pire sorti. Oh, j'ai eu de la misère, mais j'ai réussi à me contrôler. C'est ça, l'évolution méritoire. Alors que toi, tu mets tes rues en avant, t'as aucun mérite. Non, effectivement. Ah ouais. Et moi, j'irai pas. Aucun mérite non plus. Mais c'est drôlement plus facile, drôlement plus agréable. L'individu, on pose la question ici, ben c'est ça. Le processus, c'est de commencer à voir les choses simplement, se désinhiber. Mais l'enfant, il est désinhibé. Sauf qu'il va apprendre à s'inhiber parce qu'il frustre celui qui est pogné dans son inhibition. L'enfant est trop pur, trop simple. On devra le rendre moins pur, moins simple, de façon à ne plus trop voir le problème. Alors, l'être humain doit se désinhiber. Se désinhiber demande de la négoïsation. Quelle est l'inhibition qui vous empêcherait, par exemple, de facilement parler devant un public? Il y en a un paquet. Et même les artistes vont dire, oui, mais le trac, c'est essentiel. Ben oui, on donne le trac, c'est la trac nigo. Le trac est absolument... Le trac, c'est quoi le trac? C'est de la peur. Oui, mais ça nous empêche de faire trop de folie. Le trac remplace ton intelligence. Ah, OK. C'est vrai, c'est pratique. Mais l'être humain, à un moment donné, devrait être capable d'arriver sur une scène, puis être capable de limiter simplement ses manipulations. Il ne fera pas de conneries non plus. Il n'y a pas besoin de la peur en arrière pour le limiter. La personne, donc, qui devient simple, mais on a beaucoup d'enfants, on en a quelques-uns, par exemple, de temps en temps, qui viennent aux conférences, ce sont des enfants qui luttent pour ne pas être adultes, ce sont des enfants qui, en luttant pour ne pas être adultes, expriment des mécaniques d'adultes. C'est pas nécessairement eux autres qu'il faut regarder, c'est plus nécessairement des vrais enfants. Il y en a qui font les toughs. Mais oui, mais ça, c'est idiot totalement, on fait pas un tough. T'es ce que t'es. On va te respecter en fonction de ce que t'es, pas en fonction de ce que tu joues. La personne est là, et c'est ça, on veut résumer brièvement, mais on va reparler la semaine prochaine, entre autres, de toutes les mécaniques qui sont implantées dans votre conscience pour vous empêcher, justement, de vous libérer. Donc, on pourrait revenir. Quand tu dis d'appliquer les lois, comment doit-on faire? C'est tellement complexe. On commence par les simplifier, hein? Pour faire comprendre la simplicité, normalement, à des individus, on doit compliquer les choses. Bon. Un jour, en conférence, on me disait, « Comment puis-je parvenir à la paix? » C'était simple, « Soyez en paix. » C'était bien simple. Mais là, après ça, il faut 3 heures pour qu'ils comprennent. C'est autre chose. Quand tu appliques les lois, comment doit-on le faire? C'est tellement complexe. Reprenez chacune des petites lois simples que j'ai énumérées, puis que Charles a amenées. Puis après ça, essayez juste de les appliquer. Et vous allez vous rendre compte que ce qui est compliqué, c'est vos blocages. Puis on ne se culpabilise pas là-dessus, on est bâti comme ça. Ce qui est compliqué, c'est les inhibitions puis les peurs qu'on aura. Bon, alors, les lois, c'est facile, ne pas travailler à outrance. Oui, mais je travaille 5 jours par semaine, c'est vrai. Mais commences-tu à travailler dans ton automobile, à haïr le travail avant même d'arriver là-bas? Quand tu es là-bas, es-tu toujours excité, nerveux, surexcité, sécrétatif, tu sais, ça transpire, ça y va pour rien? T'en fais-tu pour rien? Tu travailles en Christie, là. Tu travailles à outrance. Quand tu rentres chez toi, au lieu d'avoir du plaisir, es-tu encore en train d'appliquer des règlements pour que les enfants se ferment la boîte? Tu travailles encore à outrance. Observez juste votre vie, puis commencez donc à éliminer déjà le travail qui ne rapporte pas. Et déjà, vous allez gagner du temps. Commencez à avoir l'abondance. Mais c'est facile à appliquer. Sauf que si on prend les petites 8 lois, elles sont faciles. Quand on dit être transparent, soyez donc ce que vous êtes. Simple. C'est pas compliqué ce que je dis. C'est compliqué de l'appliquer à cause des inhibitions. À un moment donné, je vous demande, j'ai besoin de quelqu'un m'aider à peinturer chez moi. Es-tu libre en fin de semaine? Oui, j'ai un peu de temps. C'est pas ça, pantoute, que vous auriez dû dire. C'est pas ça que vous aviez à dire. Si on est transparent, non. J'ai du temps, mais ça me tente pas. Ah bien, l'autre, qu'est-ce qu'il va penser? Arrangez-vous donc pour que je vous connaisse comme vous êtes. Je vous haïrai pas. Mais je vais haïr l'autre à un moment donné qui me dit toujours oui. Quand il va me dire non, il va trouver qu'il exagère. La transparence, c'est compliqué à faire. À Noël, vous ne voulez pas aller fêter chez quelqu'un. Vous lui dites. Non! Pourquoi? Faites attention à l'humain. Il n'y aura jamais de raison qu'ils soient corrects. T'es plate. Mais c'est ça, je suis plate. Ben oui, mais tu devrais venir. C'est ça, je devrais venir. Tu? Non. Donnez-moi ça, essaie de vous têter. Mais on perd des amis. C'est pas des amis, ça. Ça, c'est des draineurs. Puis si c'est des amis, vous les perdrez pas, ils vont juste dire, ah oh, ben, attends, je l'ai invité, mais tu sais comment il est, il veut pas venir, fait qu'on l'oublie. Bon, c'est tout. La vie, on a peur. C'est comme les enfants, à un moment donné. On a peur d'être puni, on a peur de perdre leur affection. Mais si c'est un teflon, quelque part, il va te brasser de ton affection. Il va te le dire carrément, punis-moi pas, je t'aimerai plus. Oui, oh là, un enfant, c'est un être humain, il va continuer à rester associé à vous. C'est pas ce que j'explique qui est compliqué, c'est de l'appliquer. Et on va avoir des trucs plus... Non. On prend les petites choses que j'ai dit. Il y a des teflons qui ont des commentaires. Sur les punitions. Teflon, il dit, changez pas trop les parents. Oh, ben, même. Appliquer, c'est facile. On prend les petites choses une après l'autre, là, puis à un moment donné, vous allez juste commencer à voir, vous allez découvrir plein de mécaniques qui vous barrent. Puis éliminer ces mécaniques qui nous barrent, c'est pas compliqué, mais c'est difficile. Nuance. Puis on va revenir tout au mois de février uniquement là-dessus. Sur l'année 90, là, on a pensé que ce serait intéressant de faire à partir d'un début, là, puis de la grimper. Aller chercher des... Comment l'humain fait-il pour passer de l'émotif à non-émotif? Quand je parle d'anémotif, âme, sang, anémotif, sans émotion, anémotivisation, travail de processus qui amène à l'anémotivité. Il faut faire attention encore. L'émotion, elle est utile parce qu'utilisable. Hein? Bon, c'est pas important de l'émotion, c'est utile. On s'en sert quand il y a une relation au niveau des cordes astrales, de la psychologie, de l'émotion. Alors, on se servira de l'émotivité. Quand on veut communiquer de l'affection, de l'émotivité. Vous faites un massage, en même temps, vous voulez communiquer une relation énergétique, l'émotion va aider. Mais quand, à un moment donné, quelqu'un que vous aimez vous demande quelque chose que vous ne voulez pas faire, l'émotion ne doit pas supplanter votre conscience, ce que vous êtes librement, pour maintenant vous obliger à faire de quoi vous voulez pas faire au nom du fait que vous aimez. Parce qu'à un moment donné, vous allez faire comme beaucoup d'humains. Vous allez détester l'amour. Vous continuez à aimer pareil. Alors, comment l'homme doit-il passer de l'émotif à l'anémotif? Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on doit premièrement faire une séparation entre notre mental et notre astral. L'astral, c'est toute la mémoire planétaire qu'on respire à plein poumon. C'est toute la mémoire qui se réincarne chez l'être humain 24 heures sur 24 toute sa vie. C'est toute la mémoire d'influence qui fait qu'entre êtres humains, à un moment donné, on se colore et on se manipule. Vous ne voulez pas aller au cinéma un soir, deux heures après, vous y êtes au cinéma. On vous a manipulé, ça fait partie des mécaniques de l'astral. C'est l'ego, c'est toute la mémoire qu'on a chez nous, c'est tous les souvenirs qu'on a, qu'on se rappelle ou qu'on ne se rappelle pas. C'est les égrégores politiques, les égrégores divins, les égrégores nationaux. Ben oui, mais crime, on est Canadiens avant tout, ce qui fait qu'il y a une guerre qui est stupide, mais le Canada se bat, donc j'y vais. T'es manipulé par l'astral national. On parle d'astral, c'est ça. À l'intérieur de l'âme, il y a une particule astrale qui s'appelle l'âme. À l'intérieur de l'âme, il y a l'ego, le siège même. Pour passer de l'émotif à l'anémotif, on doit séparer le mental. Quand vous venez pour acheter une automobile, vous allez peut-être comprendre. Vous trouvez l'automobile super jolie. C'est émotif. À un moment donné, vous vous dites, non, là, j'achète toujours des autos très belles qui me plaisent, puis je ne peux pas payer. Là, c'est le mental qui vient de parler. C'est logique. Ça ne vous coûtera pas trop cher sur le mental. À un moment donné, il y aura trop de mentalisation, mais quand même. Et là, la personne va commencer à dire, bon, là, je vais prendre une auto qui est logique. Oui, mais il faut quand même qu'elle soit belle. Là, c'est l'émotif qui vient de parler. Alors, comme on ne devient pas un émotif globalement, on doit avoir une conscience anémotive. plus se faire ramasser continuellement par nos maudites émotions. Quand j'expliquais « Travail pour urgence santé », il y a un médecin qui arrive au chevet d'un blessé sur la rue, c'est sa femme, son fils ou sa fille. Son émotion vient planter toutes ses mémoires d'intervention et il ne peut plus rien faire. Alors qu'un autre médecin va arriver sur les lieux, on va avoir l'impression que c'est un boucher. Il est inémotif dans son intervention. C'est la seule façon qu'il a d'être efficace dans son intervention. Puis quand la personne est sauvée, bien là, tu laisses faire ton mental, puis on est tout content, on peut se payer le luxe d'être émotif. Quand la personne meurt, ça vaut pas la peine d'être émotif, ça va juste nous nuire. Fait qu'on continue, on va manger au McDonald's ou ailleurs, pas bien, bien payé, et puis, à un moment donné, on continue à vivre. Être un émotif, c'est simplement de s'arranger progressivement pour discerner le mental de notre phénomène astral chez soi. Quand tu te dis, bon, je vais y aller, en même temps, tu commences à voir ton cœur qui s'accélère. L'émotif s'exprime. Ben, accélère le cœur, j'y vais pareil. Le mental commence à être le maître contrôleur à bord. T'arrives tout transpirant, ça coule à terre. Ben, c'est ça. Transpire, j'y vais pareil. On dit c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est difficile. Mais à un moment donné, le câble, ben, qui suive? Puis après 3-4 fois, il va arrêter de niaiser. Vous allez être libre. Mais si vous ne pouvez pas y aller, ben c'est ça. Il va continuer. Mais on peut s'en sortir. On va développer le mental à un moment donné, puis on va intelligencer sa vie. Moi, on dit que c'est pas intelligent que je ne puisse pas y aller. C'est ça, intelligencer sa vie. Et pas se dire, moi, on dit que je suis con. Ça, c'est culpabiliser. Grosse nuance. Si tu es capable de voir que ce n'est pas intelligent, c'est que tu es intelligent. C'est mathématique. Donc, je ne te laisse pas leurrer après. Pourquoi l'humain a-t-il de la difficulté à identifier ses désirs, ses goûts, et que doit-il faire pour y arriver? Parce que ses désirs et ses goûts ne lui appartiennent pas. C'est bon, hein? Alors, que doit-il faire pour y arriver? Question est bien compliquée. Les goûts font partie de l'éducation, font partie du collectivisme, font partie de la mémoire. Quand un jeune écoute de la musique qui est à la mode, là, c'est dans ses goûts, hein, puis c'est bon en maudit. Deux semaines après, là, c'est plus à mode pantoute, là, t'sais, il y a rien que les arriérés qui écoutent ça, maudit que c'est laid. Et comment voulez-vous qu'ils trouvent ses goûts? Ses goûts, il n'y en a pas. Ses goûts, c'est de plaire à tout le monde. Bref, c'est de plaire à lui. Alors, ses désirs, faut faire bien attention. On désire une chose, puis quand on l'a, c'est plus sûr qu'on le veut. Surtout qu'on désire de quoi? Parce qu'on est stéréotypé sur le désir. Comment parvenir à connaître ses désirs? Qu'est-ce que fondamentalement l'être humain aimerait avoir? Une liberté minimum dans sa tête, ce qui peut engendrer comprendre qu'est-ce qu'il fait sur la Terre, comprendre pourquoi il vit, puis surtout, cesser de souffrir et de devoir manger chocolat, quelle que soit la marque, toute sa vie. C'est déjà un luxe. Ça, c'est un désir. Mais c'est même pas un désir, c'est une intelligence. Alors moi, si je vous dis vos désirs, intelligence, c'est là, vous allez voir immédiatement. Moi, j'ai un désir qui est celui de vivre sur une planète non polluée. C'est intelligent. Mais vu que c'est intelligent, ça devient une vision. Ce n'est pas un désir en ce sens que ce n'est pas émotif. Donc, je ne souffrirai pas de vivre sur une planète polluée. Mais je trouve stupide de vivre sur une planète polluée. Une nuance. Donc, progressivement, l'humain, l'individu, va finir par cesser de courir après des choses qui, finalement, ne le regardent pas. Et, à un moment donné, si ça le regarde, ça va arriver, il n'aura pas à travailler pour, ça va se faire, ça va s'accomplir. Il va être une partie de l'accomplissement, c'est possible. Alors, comme une personne te dit, comment faire pour me connaître? Tu ne réussiras jamais à te connaître. Parce que l'être humain est instantané dans sa plénitude d'expression. S'il est instantané, s'il veut se connaître par la mémoire, il saura toujours ce qu'il a été, mais jamais ce qu'il est. Je pense donc je ne suis pas. C'est la réalité. Je pense donc je suis, c'est que, ah ben moi, je suis un médecin. Ah ben moi, je suis un adulte. Ah ben moi, je suis un homme d'affaires. Ah ben moi, je suis connerré. C'est tout dans ta mémoire que tu vois ça. Donc, tu t'interdis totalement le changement. Alors, la question est similaire. Comment connaître ses désirs? Comment connaître ceci, cela? Soyez donc au bon endroit, au bon moment. Donc, on n'a plus besoin de connaître le reste au complet. Comment on parvient à être au bon endroit, au bon moment? C'est à faire des choix. On fait des vérifications, c'est son devoir des désirs, uniquement dans le plein émotif. Moi, à un moment donné, je désire aller chez Dairy Queen, puis quand je me pointe à la porte, c'est barré. Ben, mon désir, il s'estompe automatiquement. Il n'y a plus de raison d'être, il est illogique, il est inintelligent, il est problématique. Alors, je désire plus aller chez M. Dairy Queen. Bon, et puis, c'est fini là. Ça ne l'a pas manipulé. Mais si c'est ouvert, puis j'ai mon gros Sunday, mais là, mon ego, ben, prends-en du Sunday, mon gros. Je peux bien payer un luxe de temps en temps. Christy, il me laisse l'appel le reste de l'année. Mais qu'ils ne viennent pas commencer à me niaiser alors que son désir est inexpressible. On veut faire du ski, puis il pleut de la neige ou une neige de la pluie, tu sais. On fait du ski là-dessus. Mais là, l'ego, qu'est-ce que je fais? Comment fait-on pour se conscientiser? Exemple de A à Z. C'est de A à O, hein? Attention à zéro. La réponse la plus logique, la plus évidente, là, c'est de continuer à faire ce que vous faites. Elle est bien plate, mais c'est la réponse. Et vous allez vous conscientiser de vos aides. Serait-il avantageux ou mieux de mettre le salaire ensemble pour toute personne conscientisée afin de ne pas mettre du karma? Si on est un couple qui vivons un peu intelligent, mais intelligemment, donc un cadre écologique, je prends un exemple, la femme travaille, l'homme ne travaille pas. La femme, quand elle rentre à la maison, elle doit prendre son salaire et le partager en deux. L'homme fait la même chose. Ça va éviter un problème karmique puis un problème d'ego qui va faire à un moment donné que celui qui n'a pas de salaire est toujours obligé de demander de l'argent à l'autre, ce qui engendre, veut pas, au niveau d'une psychologie humaine, le fait d'être dépendant, ça crée un paquet de problèmes. Par contre, il y a un autre problème qui va arriver. La femme donne de l'argent au gars, mais le gars va boire. Et la femme ne donne pas de l'argent au gars, le gars va boire. Mais c'est logique. C'est évident que si les deux se conscientisent, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est qu'on garde chacun notre part et on peut mettre un budget qui va être pour soutenir la vie sociale de tout le monde. C'est plus sûr dans le début parce qu'une union, c'est une rencontre, c'est toujours le début d'une séparation. Puis avant que l'union d'êtres qui se conscientisent soit illimitée, plus souvent qu'autrement, notre union est limitée. Alors, c'est préférable de juste vérifier parce que si on se met à partager, avant le temps, on laisse une grande place aux structures d'involution. On va en reparler la semaine prochaine pour commencer à venir nous ramasser par les culottes. Tu sais, quand tout va bien, là, mais ton fils commence à se droguer. Ben, c'est ça. T'es plus touchable, on touche autour de toi pour te ramasser toi. On touche ton patron, on touche ses employés, en tout cas, il va se passer de quoi. Alors, dans le couple, c'est la même chose. On va revenir la semaine prochaine sur les façons de réussir là où, justement, où nous échouons. Là-dedans, mais on pourra l'appliquer là-dedans. Alors, la personne, elle peut faire, mais il faut faire attention parce que bien souvent, c'est qu'on va utopiser l'affaire, c'est-à-dire qu'on va... Ça va tellement bien, autant tout partager. Partageons juste là où c'est nécessaire de partager. C'est intelligent. Qu'est-ce que la transparence? La transparence, c'est la capacité qu'a un être humain de ne pas être capable de mentir. Mais on ne peut être transparent que si nous sommes intelligents. Alors, nous aurons la capacité de ne pas tout dire. Okay. Pas si tu suis là, mais... Ça, c'est pas un mensonge, ça. Non. Alors, comme de temps en temps, ça va arriver, il y a des personnes qui, par exemple, dans le séminaire, qui me posent la question, « Qui me dit que tu n'es pas des mentres? » Je te garantis que je ne te dis pas tout. T'as qu'à poser les questions qu'il faut. Puis si tu poses une question bien raide, tu auras la réponse bien raide. Je te dis pas que tu devrais être content. Mais je ne te mentirai pas. Puis plus tu la poses vite, plus tu peux être sûr. La transparence, c'est d'être capable de mettre les cartes sur table. Continuellement. Prenons un exemple. Il faut bien comprendre que quand on parle de parce qu'on ne parle pas toujours de conscientisation, mais Christy, on n'est pas sur la planète Terre uniquement pour faire des profits à la Banque nationale, hein? On a une raison d'être ici, une fonction en tout cas. C'était ma prochaine question. Pas de mission, on a une fonction, t'en poserons. Bon. L'être humain, il se dit tout le temps, il y a des choses qu'on peut appliquer, mais il ne faut pas exagérer. Disons qu'un soir, toi, tu arrives d'un bordel. Ta femme te demande, je te fais t'asseoir. J'ai eu peur, je pensais que tu allais dire, tu rencontres ta femme. On sait jamais exactement. Mais tu rentres chez toi et puis ta femme te dit, qu'est-ce que tu as fait t'asseoir? J'étais dans un bordel. C'est ça la transparence. Et là, on va dire, ben voyons donc, on peut pas faire ça. Ça, c'est soit transparent ou suicidaire. Transparent. Si t'as pas resté avec ta femme, ou mieux, si elle a pas resté avec toi, mais qu'est-ce qu'elle a à faire que ça se fait, ben voyons donc. C'est de la respecter, d'aller dans un bordel. T'allais sans peur le soir à la maison. Mais, traditionnellement, stéréotypalement, et patati patata, ben des conneries qui vont venir t'inhiber. Mais moi, ce que je te donne un exemple, là, qui va dire, ben voyons donc. L'exemple, je le prends comme ça. OK? C'est plaisant. Bon. La transparence, c'est ça. Là, tu vas dire, ça veut dire qu'on fait n'importe quoi, puis vous ne pourrez pas faire n'importe quoi. Comme je dis souvent, vous n'êtes pas coupable de rien de ce que vous faites. Si vous tuez quelqu'un en sortant, là, vous n'êtes même pas coupable. Pas responsable. La loi va vous punir parce que la loi ne comprend rien à l'évolution humaine. Oh, on va faire n'importe quoi? Voyons donc. Sortez puis tuez quelqu'un. Vous n'êtes pas capable. C'est ça que je vous dis. C'est pas parce qu'on comprend la mécanique que subitement on fait n'importe quoi. Non, vous restez ce que vous êtes. La loi, elle était là pour vous culpabiliser, pour vous donner l'impression. Exactement. Regardez ceci. Vous ne passez pas sur un feu rouge à cause de la loi. Ce que la loi tend à vous dire. Là, vous allez dire, ben voyons, non, je ne prends pas un feu rouge parce que c'est intelligent d'arrêter. Non, la loi est bâtie pour que jamais vous ne pensiez ça. Alors, si vous ne tuez pas, c'est parce que la loi l'interdit puis on punit. C'est pas parce que vous n'êtes pas des tueurs. Un instant, c'est à cause de la loi. Éliminons la loi, tout le monde va s'entretuer. Ça, tout le monde se dit. Preuve que la loi puis l'éducation qu'on a finit par supplanter réellement notre intelligence pour la remplacer par l'intelligence. Assez qu'on est convaincu à un moment donné que s'il n'y a pas de loi, ça va être de l'anarchie totale. Christy, on reste des êtres humains pareils, puis il y a un paquet d'animaux humains dans l'eau qui vont sauter. Mais, entre vous et moi, là, vous, là, si on vous permet de faire un vol de banque demain matin, là, vous n'irez pas en faire un. On vous le permet, vous devez rentrer armé, puis s'il y a de la résistance, tuez. Mais vous ne serez pas condamné. Il y a un Christy de paquet d'humains là-dedans qui ne pourront pas faire ça. C'est inécologique, inintelligent. Il y en a qui ont des inhibitions. Il y a plein de raisons. L'humain ne change pas quand il élimine la loi. Bon. Puis l'humain change rarement quand on l'applique, la loi. Hein? On sait ce que ça donne aujourd'hui, même chose. La transparence, c'est d'être limpide. C'est simple. Vous allez au cinéma, vous n'avez pas aimé ça. Quelqu'un vous pose la question, vous n'avez pas aimé ça. Comment trouvez-vous mon veston? Le trouve-les. C'est ça, la transparence. Le trouve-beau, c'est ça, la transparence. Êtes-vous capable de dire à quelqu'un que vous aimez, que vous l'aimez? C'est difficile. C'est ça, le manque de transparence. Oh, ben, je suis capable, j'ai acheté un cadeau. C'est pas ça, de la transparence. Oh, mais il devrait comprendre. C'est pas ça, de la transparence. Alors, être transparent, ben, c'est bien facile. C'est d'être transparent. Un individu, là, il voit totalement au travers de vous. C'est pas dangereux. C'est dangereux. Ben, c'est évident que c'est dangereux. Parce que, premièrement, si tu es transparent, tu risques toi aussi de voir à travers de toi. Puis ce que tu vas y voir, c'est pas nécessairement ce que tu t'attends à voir. Ta conscience va voir un ego qui joue à être bon, gentil et fin, puis qui est souvent une carie. Tu vas voir tes inhibitions, tes peurs, tu vas voir... C'est comme l'alcoolique qui, à un moment donné, devient transparent en face de son alcoolisme. Il découvre qu'il est alcoolique. C'était pas beau, ce qu'il a vu. Lui, il n'était pas avant. Il l'était, mais il n'était pas avant. La personne qui est transparente va découvrir tous les problèmes qu'elle a, mais le problème qu'il y a, l'avantage qu'il y a, c'est quand tu es transparent, dans quelques mois, tu as totalement fini, tu n'as même plus besoin de venir m'écouter. Je vais aller t'écouter. Sauf que tu dis c'est dangereux, oui et non. Quand on devient transparent subitement, faites-vous-en pas. En réalité, c'est pas dangereux, l'humain n'est pas capable de devenir transparent subitement. Mais en admettant que l'humain devient transparent subitement, ça peut se faire quand même. Ben, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un paquet d'individus qui vont le lâcher là. Si je pensais que tu étais ça, je me rends compte que tu n'es pas ça. Des illusions des dieux. Mais il est temps, à un moment donné, que tout le monde finisse par se rendre compte qu'on n'est pas ce qu'ils pensaient qu'on était. T'sais, je tenais, moi, d'être ce que vous pensez que je suis, d'être ce que je pense que je suis, puis d'être ce que je suis en même temps. C'est compliqué, ça. Faut que je défende mon image, faut que si, faut que ça, il parle dans mon dos. Bon, viens par-ci, bon, viens par-là, puis t'as pas ouais. Tu rentres dans le bureau d'un patron, tu transpires, tu te traînes à terre, mais si t'es transparent avec toi-même, il n'a rien à foutre de transpirer. Oui, mais il va penser que ça peut faire ce qu'il va penser. Il va pareil. Si t'es totalement transparent dans l'application, l'évolution, je dirais pas que ça s'arrête là, mais pratiquement. L'évolution, oui, elle s'arrête là. La conscientisation, non. Mais tu te débarrasses de l'ego totalement si tu es transparent? Non, tu es débarrassé. Puis la transparence, c'est donc cela, c'est extrêmement facile à comprendre. Soyez donc totalement ce que vous êtes. Hein? C'est mais. On prend un exemple. Vous êtes dans une famille, vous prenez votre douche, vous ne sortez pas dans votre chambre, vous devez absolument vous mettre une serviette. Mais vous n'êtes pas transparent. Qu'est-ce que ça va changer? Remarquez, quand je travaillais pour Jean Santé, moi, j'ai bien apprécié. Pas à cause que je voulais du monde à poil. Mais pourquoi j'ai apprécié? C'est qu'à un moment donné, vous entrez dans une maison d'un ministre. Mais c'est qu'on sa gueule en prenant son bain. Fait qu'il n'y a pas... Mais le ministre, là, il n'a pas été de mettre sa cravate quand on arrive. Puis le ministre, ben là, s'il a la jambe cassée, puis c'est une fracture ouverte, il voit ses os, puis il voit du sang, puis il voit des muscles. Ben, dis, franchement, tout le reste, il ne voit plus. Il est exactement ce qu'il est dans la réalité cosmique. Quand je rentrais chez les Juifs, ils étaient dans la réalité cosmique. Chez les pauvres, chez les riches, chez les acteurs, chez les actrices, chez les Polonais, chez les Québécois, ils étaient dans la réalité cosmique. On l'est seulement quand ça va mal. Oui, mais l'humain est à son meilleur quand ça va mal. Puis c'est pour ça qu'on doit changer ça. Ça devient con à un moment donné. Il faut toujours se ramasser dans l'écœurement de l'écœurement pour commencer à se dire, bon, ben là, finalement, c'est vrai, j'en ai marre. Quand ton fils pense à un moment donné à faire des conneries, là, tu veux te rapprocher. Mais bon, mais pourquoi qu'on change pas ça un peu? Oui, mais chimiquement, si. Qu'est-ce qu'on a avec les si et les ça? C'est tellement plus facile d'être à son naturel quand ça va bien. Ça revient encore tout à l'heure. Tu vas finir par lâcher quand tu ne pourras plus tenir. Pourquoi tu ne lâches pas avant? Mais il y a plein de bebelles qui vont te dire que c'est soit de la pensée, c'est soit de la manipulation. C'est tellement... Si on devient transparent à 100% ou peu importe, transparent suffisamment dans l'application, à ce moment-là, on n'aura plus de crainte avant les événements. Plaisant d'être transparent. La suite de ce que tu disais. Oui, c'est ça. On n'aurait plus de crainte d'agir, on ne présumera pas ce qui va arriver. Il y a bien mieux que ça. Tu rentres quelque part, puis tu dis, c'est moi, et tu n'en veux pas, pas de faire, t'en vas. Quand tu sauves du temps, tu rencontres un homme, tu rencontres une femme, puis là, vous n'êtes pas transparent parce que vous avez des désirs de l'émotivité, vous travaillez pour vous ramasser, on peut se faire la cour. Bon. Et à un moment donné, après 2, 3, 4, 5 ans, même si t'es pas transparent, là, on finit par te connaître. Ils lisent entre les lignes. Oh, ils lisent même entre les... oui. Entre les cellules. Mais pourquoi ne pas être transparent immédiatement? Oui, mais d'un coup, je ne l'ai pas. Un divorce de moi. D'un coup, je l'ai. Pas de problème. La transparence, même en affaires, d'ailleurs au niveau des principes même des affaires de celui qui se conscientise ou de celle qui se conscientise, la transparence est sine qua non. Tu ne peux pas faire des affaires sans être transparent, tu vas ramasser un karma de fou ou de folle, et puis à un moment donné, tu vas payer pour. Ah, je ne crois pas au karma. Pis ça, il y a un camion qui te fonce dessus. Ah, je ne crois pas à ce que tu me dis. Ben, voilà. Pas besoin de croyance pour que ça fonctionne. Bon. La transparence, c'est un phénomène. Premièrement, c'est la seule. Quand on, tu sais, dans l'Antiquité, on parlait d'avoir une âme pure. C'est quoi une âme pure? C'est une âme qui n'a pas d'ego. C'est une âme qui n'a pas de mémoire. C'est remplacé par une descente du mental à l'intérieur de la structure astrale, ce qui fait que l'individu reste, garde une forme de, d'identification anégoïque et animotive de sa présence. C'est compliqué, hein? Un jour, vous allez voir, c'est bien facile. L'individu finit par se dire « Je suis là ». Puis, ça ne créera pas de stress chez lui, c'est ça que je veux dire. À quoi ça sert la vie? Je ne sais pas encore. Puis ça ne crée pas de stress chez lui. Un jour, tu vas mourir. Peut-être. Regardons, un jour, tu vas mourir. Peut-être. Bon, si tu meurs, tu vas mourir. Puis ça ne crée pas de stress chez lui. De ce fait, il peut mordre à la vie sans problème. Les samouraïs, dans le Bushido, la première loi du code d'honneur, c'était que celui qui apprend à mourir, apprends à vivre. Comment peux-tu vivre dans l'idée du samouraï avec le risque de perdre la tête régulièrement si c'est pas réglé que toi? La journée que c'est réglé, tu te bats animotivement. Mais imagine que tu gardes ta tête bien plus longtemps, t'es moins poigné avec tes inhibitions, tes peurs. Alors, le meilleur des savoirs vivre, c'est le savoir mourir. Mais c'est la même chose. L'individu qui finit par être transparent, qui finit par être suffisamment égoïque, puis ce que je vous compte là, c'est pas utopique, ça se fait. Puis comprenez bien une chose, l'individu ne peut pas dire, oui, mais ça n'a pas d'allure, uniquement parce qu'il ne voit pas comment il va y arriver. Puis n'importe quel individu, de toute façon, vous allez tout y arriver. Est-ce que c'est vous plus, ou non? Est-ce que c'est plus difficile d'être transparent avec soi-même ou avec les autres? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Est-ce que ce que tu disais tantôt, que si on se voit réellement, là, sans les qualités ou défauts, ou ce qu'on appellera oui, comme ça? Oui, tu commences par rendre transparente une partie de ce côté, puis tu vas continuer à rendre opaque les autres. Mais à un moment donné, tu vas pouvoir rendre transparent de plus en plus des structures qui te constituent. Par quelle partie tu commencerais à rendre les choses transparentes? Par la plus facile. Qui est laquelle? Oh, ben, ça dépend des individus. C'est le genre de question encore où on veut-tu compliquer les affaires? Non, pas compliqué. Mais non, je comprends. Mais qu'est-ce que tu veux rendre transparent, j'imagine, un gros bloc de l'ego plus rapidement, ça, l'efficacité va être plus grande. Ce qui t'embête le plus, là, ce qui te fait le plus souffrir psychologiquement, là, ce qui te niaise le plus. Tu commences par celle-là. Bon, je commence donc par celle-là. T'es pas capable, commence par un autre. Transparent. Prenons l'exemple. Bon, la personne qui se dit, moi, c'est vrai, je suis colérique. Bon, la personne a l'intelligence, sa vie. Est-ce que la colère, c'est intelligent? Ah, bien sûr! Bon, ben, c'est quand réglé. Quand ta femme ne comprend rien, il faut que tu sois colérique. C'est ça. Pourquoi il y a tant de femmes tatouées au Québec? Ils ne comprennent pas, ils n'écoutent pas les mots. C'est ça. Donc, c'est intelligent. S'ils écouteraient, à moi, les femmes tatouées au Québec. Bon, mais c'est clair. L'individu n'a plus rien à y dire. L'individu ne devient pas transparent. Il exprime des stéréotypes et des archétypes. Un stéréotype, c'est une forme collective. Mais un archétype, c'est une vieille forme collective. OK? Puis un néotype, c'est une nouvelle forme. Puis celui qui se conscientise doit néotyper le monde de la mort, le ciel, l'astral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il implique des changements autour de lui à un moment donné. Ce qui est stupide, dans le change. C'est ça. L'individu, commencer par ce qui est facile, mais encore une fois, la transparence. Tu sais, à un moment donné, là, on s'écrase dans son lit, ou on va n'importe où, là, puis là, on fait juste faire un bilan de sa vie. Énormément de souffrance, énormément de peur d'être puni. Puni par la maladie, puni par la loi. Bon, toute notre vie est basée sur une chose. Fuite de la souffrance, quête du bonheur. Pendant que tu cours, là, t'es pas arrêté. Puis si ton but, c'est d'arriver à une place où tu pourras t'arrêter, puis cesse de courir, t'es rendu. Bien facile. Sauf que tu te dis, ben oui, mais si j'arrête là, on perd du temps, tu sais, pour arriver. Mais non! C'est pour ça. Faut qu'on prenne le principe. J'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas de destination. C'est un état. Notre individu qui veut être transparent, la personne, elle doit simplement arrêter quelque part, arrêter sa vie, arrêter d'être le stéréotype, d'être un adulte ou d'être un enfant. Dans le stéréotype, elle doit arrêter d'être quoi que ce soit. Et puis là, ben là, commence à broyer un peu sur toi-même. Tu sais, commence à observer tout ce qui ne va pas. Quand tu vas rentrer à la maison, là, vas-tu être capable d'être exactement ce que tu es? Les personnes sont bien quand ils se droguent. Ils pourraient l'être de la même façon sans se droguer. Les personnes sont bien quand ils sont tout seuls dans le bois. Pourquoi ils ne peuvent pas être de la même façon quand ils vont au travail? Mais oui, mais ça va déranger les autres. Ah, tort, il y a d'autres. Ils sont là uniquement pour t'empêcher d'avancer. Tu sais, comme je dis souvent, la femme puis l'homme, c'est des enclumes, ils s'enclument mutuellement. Bon, ça nuit. Jusqu'à la journée où ils vont décider de commencer à évoluer pour eux autres. L'un pour lui, l'autre pour elle. La transparence, elle devient facile uniquement, facile à comprendre, quand tu finis par intelligencer les choses. Intelligencer, ne cherchez pas sans dictionnaire non plus. Intelligencer, ça veut dire sortir l'intelligence sous-jacent à quelque chose. Et en même temps, c'est de voir une mécanique en fonction d'une vision intelligente. Ce n'est pas intelligent de fumer, mais c'est intelligent de fumer. Parce que quand je ne fume pas, je ne peux pas me terrestrifier. Grounder, quand on parle mal le français. Je ne peux pas me terrestrifier. Donc, quand je ne fume pas, je suis entre deux mondes et je n'arrive pas à me rendre rationnel. Je ne suis plus efficace, alors je fume. Mais pour la santé, ce n'est pas écologique. D'accord? Alors, on peut dire, je fume, et maudit que c'est con d'être pogné avec un bout de papier et du foin dedans. C'est tout. Puis je continue à fumer. Puis un jour, je ne fumerai plus. Je n'aurais pas travaillé, je n'aurais pas souffert, je n'aurais pas, etc. C'est le temps d'arrêter. Peut-être que tu aurais pu faire une queue et t'arrêter à la même date. Ça ne change rien. Mais là, tu vas arrêter, c'est le temps. L'individu qui est transparent, il doit, à un moment donné, intelligencer les choses. Alors, tout ce que vous êtes, regardez ceci. Faites le bilan simplement. Là, je ne le ferai pas, mais quand même. Faisons le bilan de toutes nos inhibitions, de tous les blocages, tous les poignages, toutes les craintes. Pourquoi vous croyez à la réincarnation? Pour mieux dormir la nuit, c'est possible. Pourquoi vous croyez à la résurrection? Ça peut dire un moment où vous ne pouvez pas ou encore pour ne pas déplaire à Dieu? C'est possible. Mais faisons ce qu'un homme nouveau doit faire. Faire la différence entre ce que je sais et ce que je ne sais pas. Ce que je sais et ce que je crois. Simple. Oui, mais ce que je crois, là, c'est vrai. Non, tu y crois. Moi, je ne crois pas que je suis assis ici, je le sais. C'est simple. Bon. Faire la différence entre ce que je sais, ben ouais, c'est facile, il n'est pas long, et ce que je ne sais pas. Tout ce que je crois et tout ce que je ne crois pas, mais que je ne sais pas. Ça, c'est ce que tu es, toi. Maintenant, observe. Tu es ce que tu sais. Oui. Maintenant, observe tout ce que tu ne peux pas appliquer dans ton monde, tout ce qui t'inhibe. Bon, pas juste d'aller chercher de l'argent. Je dors mal, je vis mal, j'ai peur mal. T'sais, tout ce que l'humain va rencontrer en termes de salade, tout le mois février, là, on va couvrir la façon de d'éliminer, de décoder, de déchirer, d'arracher des morceaux qui nous nuisent. Mais c'est tout ça au complet le problème. L'individu qui devient transparent va tout voir ça. L'individu qui n'est pas totalement transparent commence à se sentir coupable, à se sentir assaillir, à se trouver laid, etc. Voyons, non, vous ne regardez pas à bonne place. Alors, soyez pas trop transparent vous-même, vous allez vous écraser sans vous voir. À la semaine prochaine, même heure, même pas. Faites ça, bonne semaine. Mais voilà, amusez-vous.